Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Je suis toujours en bonne compagnie avec Aurore. Bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien. Alors voilà, on va parler encore d'un énième film, mais bon, là c'est quand même un grand film, déjà par sa durée, oui. Parce qu'il est long. C'est un film français, c'est important de le souligner, parce que voilà, souvent on se dit, voilà, les films français, oui, c'est un peu toujours pareil, c'est jamais très bien. Sauf que là, bon, faut quand même saluer le film dont on va parler, donc on va parler de L'Amour Ouf. Donc pour la petite histoire, ça se passe dans les années 80, dans le nord de la France, Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, lui, bah, il traîne, et puis leurs destins se croisent, et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. J'adore le synopsis. Donc, c'est un film qui est sorti il y a quelques semaines, qui cartonne hein, au cinéma, puisqu'il est à 3 ou 4 millions d'entrées, je crois, déjà. Ouais, il me semble. Ça doit être où il avoisine les 4 millions. Film, ouais. Avec le plus d'entrées, si je ne me trompe pas. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a eu un petit truc en plus, c'est Le Comte de Monte Cristo, qui ont avoisiné les 10 millions d'entrées, et c'est peut-être bien le troisième, c'est possible. Ouais. Bon, après, l'année n'est pas terminée, attention. Hein. Oui. Il y a d'autres films à venir encore. Oui. Donc, L'Amour Ouf, réalisé par Gilles Lelouch, il ne joue pas dedans, il aurait pu, c'est vrai. Parce qu'au vu du film, il aurait pu s'octroyer un rôle. Mais non, il laisse donc Adèle Exarchopoulos et François Civil en tête d'affiche. Mais surtout, deux jeunes acteurs, Mallory Vanek et Malik Frika, dont c'est le premier film, je crois, Malik Frika, le jeune acteur. Mallory Vanek, voilà, on l'avait déjà vu dans d'autres films. Et puis, bah, le casting, après, oh là là, il y a un nombre d'acteurs incalculables. Oui. Alain Chabat, Benoît Poulvord, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Boucher, Karim Leclou, Raphaël Quenard et Anthony Bajon, notamment. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé, Aurore ? Bah, on en avait discuté en off, mais oui. Il a pas mal été effectivement critiqué parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de style. Moi personnellement, au contraire, c'est une prouesse cinématographique de réussir à mettre autant de styles différents, de la comédie musicale, mais de la danse, etc. Simuler une bataille avec de la danse, etc. C'est toujours intéressant à voir. Oui, donc du coup, on parlait de la BO du film avec du coup plein de musique des années 80, que ce soit The Cure, on a les Daft Punk aussi, on a Deep Purple, Prince, Billy Idol. Enfin, moi personnellement, c'est les années de musique qui sont extrêmement intéressantes et qui fonctionnent très bien. The Cure, elle passe plusieurs fois. Ça a évidemment un lien avec l'histoire. Et oui, tu disais tout à l'heure long film, et j'avais même pas regardé la durée. La durée. Du coup, je viens de regarder. C'est que ça t'a pas marqué en fait. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ouais, non. Effectivement, je l'ai pas du tout trouvé long. Bah, je pense que il est extrêmement bien rythmé. Du coup, forcément, si je m'en suis pas rendu compte, voilà. Non, il est extrêmement bien rythmé et les personnages, il y a des personnages extrêmement attachants, d'autres que tu n'apprécies guère. J'aime bien Poulvord qui du coup arrive. Il a toujours des rôles un peu décalés, des fois dans la comédie, des fois bah là en rôle de méchant, et ça fonctionne toujours bien. Chabat qui prend son rôle à la perfection, on le voit très peu, mais du coup il est très très j'apprécie énormément cet acteur, et donc du coup là de le retrouver, même si on le voit très peu, il a très peu de répliques, il suffit à l'histoire, et heureusement qu'il est là. Oui, d'un côté, il a quand même un rôle c'est ça important sans oui. être présent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, effectivement, tu disais donc les deux jeunes acteurs qui sont, que c'est pratiquement leur tout premier rôle et ils jouent extrêmement bien. Ça, c'est assez impressionnant de ce que ça fonctionne. Et généralement, c'est un peu du qui tout double quand on a des acteurs assez jeunes. Et là, franchement, ils jouent extrêmement bien. Et franchement, ils ont été nommés pour Révélation au César et ils le méritent amplement. Voilà, on verra les résultats plus tard. Mais, ça serait marrant qu'ils aient chacun l'espoir. Hein. Franchement. Oui. C'est possible. Ah hein. Bah bien sûr, oui. Oui, parce que c'est vrai que lui, Malik Frika, oui, c'est vraiment son premier rôle, je crois. Et je pense qu'à mon avis, il va être repéré et on va le revoir rapidement. je n'en doute pas. Et Mallory Vanek, c'est pas son premier film. Bon, elle a 2 ans entre guillemets de carrière derrière elle. Elle a quand même joué un peu plus tôt dans l'année dans un film aussi avec François Civil, Pas de vague, qui parlait un peu du harcèlement scolaire, qui est sorti en début d'année 2024, qui était très bien. Elle a joué également dans une comédie française classique, on va dire, avec Ahmed Silla comme à Prince. Il y a 2 ans, justement, c'était son premier rôle, Les Pires, où elle avait justement aussi été nommée au César. Donc peut-être le rate-t-elle cette fois-ci. Alors je te rejoins hein, en effet sur la bande originale du film. Moi j'ai adoré de toute façon quand les films se passent dans ces années-là. Moi il m'en faut pas plus. Hein, j'adore. Et puis je trouve que l'ambiance est bien retranscrite. On se retrouve vraiment dans les années 80-90 après parce qu'il y a un saut dans le temps puisque on découvre les personnages donc à l'adolescence, 15-17 ans et ensuite il y a un saut dans le temps. D'une dizaine d'années, où justement bah, Mallory Vanek, c'est Adèle Exarchopoulos 10 ans après, et Malik Fricasse, c'est François Civil 10 ans après. D'ailleurs, les jeunes acteurs, j'ai envie de dire, même, ont une place prépondérante par rapport finalement à Adèle Exarchopoulos et François Civil. Parce que le film est vendu, entre guillemets, sur Adèle Exarchopoulos et François Civil, parce que c'est les têtes d'affiche, c'est des acteurs ultra connus aujourd'hui, et forcément ça attire. Mais quand on regarde le film, finalement, on les voit même moins que les jeunes acteurs. Ah, bien sûr, oui. Et puis même, enfin, dans la promotion, il y avait que eux. Enfin, Raphaël Quenard, pardon, Vincent Lacoste, Chaba un petit peu. Mais Adèle Exarchopoulos et François Civil, et puis Gilles Lelouch, évidemment, qui étaient énormément présents dans les médias, sur toutes les interviews. Les deux jeunes acteurs, donc Malik et Mallory, on les a vus un petit peu, beaucoup moins, alors que dans le film, ça s'inverse totalement. Oui, c'est marrant. Et j'ai été surprise, justement, qu'on les voit si peu, en fait, alors que c'était vraiment les têtes d'affiche. Et puis, mais au final, c'est pas du tout dérangeant. Non, c'est pas dérangeant. Après, voilà, Adèle Exarchopoulos est quand même en ce moment énormément en vogue. Bon, ça a été toujours. Depuis La Vie d'Adèle, c'est une très très grande actrice. Hein, chaque fois qu'elle est dans un film, généralement, ça fonctionne plus que bien. Et là, elle rate pas le coche non plus. Non, c'est vrai. Et voilà, ça fait toujours. Moi, personnellement, je trouve que ça fait toujours plaisir de la voir dans un film. Voilà. Et puis elle joue vraiment dans des films divers et variés à chaque fois. C'est ça. Alors là, pour le coup, c'est un film multigenre. Oui. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça a été critiqué parce qu'il y en a qui ont dit on sait pas trop Gilles Lelouch où il a voulu aller, etc. Alors qu'au contraire, je pense qu'en effet, les vrais cinéphiles ont apprécié cela parce que y a plein de références à plein de films, à plein de réalisateurs. Il parlait de Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, enfin bref. Il s'est inspiré de plein de réalisateurs américains, notamment parce que c'est vrai que finalement c'est un film français. Oui. Mais après l'avoir vu, clairement, ça a des allures de film américain. Bien sûr, énormément. La façon de filmer, les différents styles, le jeu de lumière, énormément. Les jeux de lumière, les chorégraphies, tout ça, c'est extrêmement présent. Et dans des films français, on le voit très peu et généralement c'est extrêmement genré. C'est tu fais un film policier, c'est un film policier quoi. Comédie, c'est de la comédie, tu vas pas mettre du drame. J'exagère, mais c'est généralement le cas. Et là, du coup, non, il y a du drame, de la comédie, du policier, un peu du film de mafieux. Film sociétal, etc. Il y a différents styles et ça fonctionne extrêmement bien avec l'histoire. C'est un livre, je crois. Qui est sorti d'ailleurs il y a un certain temps. Ouais. Et je crois que c'est Benoît Poulvord qui en avait parlé à Gilles Lelouch. Gilles Lelouch a adoré le livre. C'est ça. Il devait le réaliser il y a déjà longtemps. Enfin, il l'a en tête depuis plus de 10 ans, hein, au moins. Ouais. Et finalement, il s'est dit peut-être qu'à l'époque, entre guillemets, par rapport aux moyens, pourtant, il y a 10 ans déjà. La technologie était bien avancée, mais c'était peut-être pas le bon moment. Il a fait le grand bain entre-temps, qui a cartonné, d'ailleurs. Là, c'était le bon moment pour lui. Il s'est donné à fond et en effet, le résultat est là et le public est là aussi, puisque il fait plein d'entrées. Et je pense que pour le coup, c'est un film qui rassemble plusieurs générations et qui peut plaire vraiment à énormément de monde. Oui, effectivement, Il n'y a pas d'interdiction, je crois. Franchement, Il y a pas d'âge, enfin bon, il y a des scènes un peu de début, ouais, ouais la scène d'ouverture, oui, oui, elle est assez, c'est vraiment un contre-pied, ouais, un peu violente quand même, ouais. Oui, c'est vrai que le film est quand même violent parfois, j'exagère, ouais, un peu, non, en y repensant je me dis ouais non j'exagère, il y a quelques batailles dans le bar et compagnie, en fait voilà, je pense qu'en effet bah comme les jeunes acteurs, voilà, pour des ados quoi, 14-15 ans. Ouais. À peu près, voilà, je pense que le film est bien. Et puis même les personnes plus âgées, voilà, je pense que ça va leur rappeler un peu une certaine nostalgie, voilà, certaines choses. Donc, non, il y a. Enfin, moi, j'ai pas vu d'imperfections. Est-ce qu'il y a des imperfections? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait dire que c'est négatif, entre guillemets, dans le film? Bref, faudrait le revoir, mais je pense que ouais, je sais pas. J'en ai pas l'impression après. Ouais, moi non plus. Peut-être, voilà, comme certains disaient, il y a un trop plein d'eux. C'est vrai que parfois, peut-être qu'on se dit, bon, là, il aurait peut-être pu être un peu plus sage, il est peut-être allé un peu trop loin sur ça, ou ça manque de ça. Enfin, voilà, on peut toujours trouver des choses à redire. Oui, après, ça fait toujours très écho à ce qui se passe. Effectivement, les scènes de bataille sont quand même assez violentes. On a compris, mais au final ça fonctionne en fait, oui, avec la réalité des choses, oui. Ça reste un film qui se veut quand même avec un gros message sociétal, et qui, c'est pas juste une histoire d'amour, une non, romance, enfin voilà, une romance basique, il y a tout un penchant sociétal entre le choc des cultures et différences de milieux, même si bon, le synopsis dit lui cité, elle bourgeoise. Oui. Je trouve pas. Non, c'est pas. Je trouve pas. Non, non. C'est milieu moyen, oui, plus que bourgeois. C'est ça. Hein. Oui, oui. Voilà. Oui. Mais, mais effectivement, bon, après, Vincent Lacoste a le très mauvais rôle. Le pauvre, à chaque fois. D'ailleurs, oui, je m'attends. Enfin, dans ce rôle-là, oui. Enfin, pas inattendu, mais c'est vrai que. Ouais, il a un peu. Oui, il a un rôle de. Bah, enfin, pas gentil. Ouais, non. On va dire puis, ça comme ça. Et puis, il a vraiment le mauvais rôle et. Je sais pas, il apporte pas, enfin, pas grand. C'est vrai que pour le coup, ah bah tiens, voilà, tu vois, un aspect négatif, ouais, c'est peut-être sur la diversité des personnages, et c'est vrai qu'il y a certains personnages, bon, qui sont quand même des têtes d'affiche, t'as du Anthony, oui, Bajon, etc., et finalement, ouais, voilà, qui malheureusement apportent pas toujours quelque chose. Ils auraient pu mettre finalement des acteurs novices, et ça aurait été pareil, plutôt que, oui, de mettre des têtes d'affiche. Bon, après, faut vendre le film. Forcément, oui, ça attire c'est aussi ça. Non, hein, les spectateurs, hein, on va pas se le cacher. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que pour le coup, sur les acteurs choisis et les personnages, peut-être, voilà, il y a peut-être des choix discutables. Oui, ouais. Mais bon, après, voilà, on sent quand même que tout le monde se donne à 100%. Je pense qu'à mon avis, les acteurs ont dû s'éclater sur ce film, franchement. Et le film dure 2h40, mais il durait beaucoup plus longtemps. Puisque je crois qu'au départ, Gilles Lelouch avait fait une version beaucoup plus longue du film. Il a dû faire des coupes, hein, bien oui, évidemment. Hein. Oui, non, bien donc, sûr. Qui sait, peut-être une version longue, on ne sait jamais. Peut-être. C'est plutôt rare pour les films français, d'ailleurs. C'est vrai que les ouais, films américains aiment beaucoup ça, les versions oui, longues oui, de leurs films. Mais les films français, à ma connaissance, j'en connais pas. Enfin, je pense pas. Généralement, le film, quand il sort au cinéma, après, quand il sort en format vidéo, c'est la même durée. C'est ça, oui. Donc, mais bon, il y a peut-être parce qu'il y a une histoire de. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais il y a peut-être une plus grande liberté sur le choix du réalisateur qu'aux États-Unis. C'est vrai. Il y a vraiment les studios, les producteurs derrière. Ouais. Après, Gilles Lelouch l'expliquait notamment pour la BO, il a dû faire des choix de musique parce qu'il ne pouvait pas mettre ce qu'il voulait, notamment par rapport aux droits oui, ça coûte cher. Musicaux, ça coûte cher. Ah oui. Et en fonction des droits qui sont choisis par l'artiste, notamment il y a une musique qu'il a choisie, mais enfin qu'il a pas choisie au final du coup, parce que dans la condition des droits, ça devait être le plus cher en droit en fait. Et s'il y avait une musique plus chère qui s'ajoutait, il devait payer encore plus. Ah oui, d'accord. Cher ouais, plus que donc ouais, voilà. Donc forcément, au bout d'un moment, il a dû faire des concessions, mais c'est plus par des histoires de budget que de la pression producteur, je pense. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai film de cinéma, pour le coup. Je pense oui, que c'est un film à voir au cinéma, oui, clairement. Ça transpire le cinéma, l'amour du cinéma. On sent que Gilles Lelouch, il est passionné. Oui. Ça fait du bien. Après, effectivement, faut être sensible à ça. C'est ça. Si, par si on n'est pas sensible au style, ça peut rester un film Netflix. Et oui. Oui, voilà. C'est on peut être réfractaire, on peut avoir un trop plein et se dire oulala, il m'a emmené. Pour le coup, voilà, il a mis énormément de choses. Mm. Je pense que voilà, comme tu dis, quand on est cinéphile et qu'on aime le cinéma, je pense que ça plaît énormément. Ouais. Quand on aime le cinéma, pas plus que ça. Bon, on peut se dire, est-ce qu'il y a voilà, c'est pas trop fourre-tout. Ouais. Ça peut être voilà l'appellation, mais bon, en tout cas moi je trouve pas parce que voilà ça fait du bien et c'est osé. Enfin je veux dire c'est vrai que on est en 2024, c'est vrai que parfois les films français sont quand même assez balisés, ça sort pas trop du lot. Là on arrive dans la période de fin d'année où c'est toujours les mêmes films qui sortent et voilà ça fait du bien quand même d'avoir ce genre de film qui sort au cinéma en France. C'est ça. Donc, on ne peut que vous encourager à aller voir donc L'Amourouf de Gilles Lellouche, qui est encore au cinéma, puisque voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il va rester à l'affiche jusqu'à la fin de l'année, hein, je pense, puisque voilà, il fait pas mal d'entrées et c'est un film à voir, donc impérativement au cinéma. Donc après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique du moment, Aurore, comme à son habitude, a déniché voilà, un fait étonnant, surprenant. Alors quel est-il aujourd'hui ? Alors là c'est un terme littéraire cinématographique en général sur les deux. Qu'est-ce qu'un... Sais-tu ce que c'est qu'un fusil de Tchekhov ? Non, je connais ce que c'est que c'est un fusil, je sais qu'il y a Tchekhov, mais alors les deux réunis, je ne sais pas. Tu vois dans les films quand il y a un gros zoom sur un objet... sur la caméra et cet objet paraît totalement inutile et vide de sens et au final au fur et à mesure du film eh bien il donne son sens et il est extrêmement important et c'est un objet clé dans l'histoire. Bon du coup quand tu commences à avoir l'habitude de regarder des films tu commences à deviner en fait toute l'histoire dès le premier acte mais, mais voilà donc en fait ça c'est un fusil de Tchekhov en Tchekhov il a expliqué que dans un livre si jamais on zoomait sur si on parlait d'un objet notamment un fusil qui était accroché à un mur et que ce fusil ne servait à rien dans le deuxième ou troisième axe de la pièce ou du livre, et ben dans ce cas, cet objet était inutile, ça ne servait à rien qu'il soit dedans. D'accord. Donc, voilà. Et en fait, c'est venu dans le langage commun qui est utilisé notamment au cinéma. Et voilà. D'accord, ah oui, bah je ferai attention alors la prochaine fois. Quand je regarderai un film ou peut-être une série même, hein, voilà, s'il y a un zoom et derrière on en reparle... Je dirais, ah, ça, c'est le fusil de Tchekhov. C'est ça. Je sortirai ma science. Écoute, merci en tout cas, toi, pour ce fun fact voilà, que je ne savais pas. Et voilà, je vais avoir l'œil maintenant. Alors maintenant, si on se projette un petit peu dans les prochaines semaines, avant la fin de l'année qui arrive très très très vite, le mois de décembre est quand même riche hein, en sorties cinématographiques. Il y en a pour le coup tous les goûts généralement en cette fin d'année. Alors toi, Aurore, qu'est-ce que t'as repéré qui te hype là, qui te fait envie dans les prochaines semaines ? Moi j'ai repéré Conclave, donc de Édouard Berger, avec Ralph Fiennes qu'on connaît évidemment pour le rôle de Voldemort. Hein. Bon, il a joué dans plein d'autres films. Oui. À chaque fois que je le vois, je fais ah. Et Stanley Tucci aussi qu'on connaît dans Le Diable s'habille en Prada. Il a joué dans Easy A, enfin Easy Girl en français, anglais. Oui. Voilà. il joue généralement des seconds rôles, mais c'est toujours un acteur personnellement que j'apprécie voir. C'est souvent un très bon film quand il est présent. Il a toujours le très bon rôle. Donc voilà, c'est sur l'histoire de l'élection d'un pape. En fait, le pape décède et il faut élire un nouveau pape. Et c'est un secret extrêmement bien gardé. On va s'immerger dans la façon dont comment ils fondent les dilemmes, etc. Qu'il faut bien choisir la figure du christianisme moderne. Oula, donc un peu en mode peut-être thriller. Et je crois que le film concourt aux Oscars pour l'année prochaine. Donc à voir alors peut-être. Et le même jour, donc le 4 décembre également, sort le film Leurs enfants après eux, adapté donc du prix Goncourt du même nom, hein, Leurs enfants après eux, écrit par Nicolas Mathieu, nancéen. Donc ça se passe en août 92, dans une vallée perdue dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s'aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule. Il y a un peu d'amourouf. Je ne sais pas pourquoi, mais en lisant le synopsis, là, je me dis « Ah, c'est un amourouf bis !» C'est ça, je me suis dit la même chose. Mais en effet, voilà, on a ce côté-là, parce que voilà, c'est deux adolescents voilà, qui vont tomber plus ou moins amoureux, qui vont certainement voilà, s'endimancher et partir un peu comme ça. Et du coup, c'est réalisé par les frères Boukerma, qui s'étaient fait connaître avec Teddy, qui était un film de genre, avec Anthony Bajon et L'année du requin, avec Jean-Pascal Zadi et Marina Foïs. Donc c'est leur troisième film, avec un beau casting. On a Paul Kircher, qui est l'acteur en vogue du moment. Il joue extrêmement bien. Bah, l'année dernière, à peu près au même moment, il était sorti avec Romain Duris. J'ai oublié le nom. Pas le règne animal. Si, c'est ça. Le règne animal, ouais. Tu l'avais vu ? Non, je ne l'ai pas regardé. Ah, faut que je le regarde. Ah bah oui, il faut le regarder. Ouais, là. Ouais, qui était vraiment très, très, très bien. Et on retrouve d'ailleurs Gilles Lelouch, mais cette fois-ci pas derrière, mais devant la caméra. Donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, le livre pour l'avoir lu est très bien. Et je pense qu'on va avoir là encore un bon film français. Enfin, j'attends de voir, mais ça s'annonce très très bien. Et puis en plus, voilà, c'était tourné dans notre belle région de l'Est. Donc pourquoi pas. Donc voilà, deux salles, deux ambiances pour le coup. Conclave, thriller sur voilà l'élection d'un nouveau pape et puis leurs enfants après eux. Voilà, rencontre voilà d'ados. Pareil sur différentes années, hein, mais pour le coup années 90 la plus. D'accord. Voilà, l'amourouf des années 80, voilà, là 90, mais on n'en est pas loin pour autant. Hein. Donc voilà, on va pas s'ennuyer finalement hein, dans les prochaines semaines pour cette fin d'année. Il y a encore pas mal de films à voir. Et puis, on ne peut que donc, vous encourager de toute façon à aller voir donc, l'amourouf, qui est notre coup de cœur du moment. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode pour toujours parler de cinéma, bien entendu. Bien entendu. À bientôt. À bientôt. Salut.